l'Empire Tougoudou. Il se sent investi d'un pouvoir légué par les ancêtres. Ça ne fait rien si ces mêmes ancêtres, nous les avons vendus au plus offrant pour des armes et des perles. Sacrifice par-ci, sacrifice par-là, il faut honorer des divinités de plus en plus gourmandes. Attention, le grand sorcier va parler. Cette fois-ci, tout va changer. Il va chasser les maladies et les guerres. Et les champs vont refleurir. La la la.